L'arrivée de notre héros à la tour Farnèse mit Clélia au désespoir. La pauvre fille, pieuse et sincère avec elle-même, ne pouvait se dissimuler qu'il n'y aurait jamais de bonheur pour elle, loin de Fabrice. Mais elle avait fait vœu à la Madone, lors du demi-empoisonnement de son père, de faire à celui-ci le sacrifice d'épouser le marquis Crescenzi. Elle avait fait le vœu de ne jamais voir Fabrice, et déjà, elle était en proie aux remords les plus affreux pour l'aveu auquel elle avait été entraînée dans la lettre qu'elle avait écrite à Fabrice la veille de sa fuite. Comment peindre ce qui se passa dans ce cœur lorsque, occupé mélancoliquement à voir voltiger ses oiseaux et levant les yeux par habitude et avec tendresse vers la fenêtre de laquelle autrefois Fabrice la regardait, elle les vit de nouveau, qui la saluait avec un tendre respect. Elle crut à une vision que le ciel permettait pour la punir. Puis, l'atroce réalité apparut à sa raison. « Ils l'ont repris, se dit-elle, et il est perdu. » Elle se rappelait les propos tenus dans la forteresse après la fuite. Les derniers des geôliers s'estiment mortellement offensés. Clélia regarda Fabrice, et malgré elle, ce regard peignit en entier la passion qui la mettait au désespoir. Et, malgré tous les serments, la présence de Fabrice dans la tour Farnèse avait rendu à Clélia toutes ses anciennes façons d'agir. Elle passait ordinairement toutes ses journées seule, dans sa chambre. À peine remise du trouble imprévu où l'avait jeté la vue de Fabrice, elle se mit à parcourir le palais et, pour ainsi dire, à renouveler connaissances avec tous ses amis subalternes. « Fabrice est mort, » se dit Clélia. « On l'a empoisonné à dîner, ou c'est pour demain. » Elle courut à la volière, résolue de chanter à s'accompagnant avec le piano. « Je me confesserai, » se dit-elle, « et l'on me pardonnera d'avoir violé mon vœu pour sauver la vie d'un homme. » Et, bravant tous les obstacles, elle parvient jusqu'à la cellule de Fabrice qui allait commencer un repas empoisonné. Elle se précipita sur la table, la renversa et, saisissant le bras de Fabrice, lui dit « As-tu mangé ?» Ce tutoiement ravit Fabrice. Dans son trouble, Clélia oubliait pour la première fois la retenue féminine et laissait voir son amour. Fabrice allait commencer ce fatal repas. Il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. « Ce dîner était empoisonné, » pensa-t-il. « Si je lui dis que je n'y ai pas touché, la religion reprend ses droits et Clélia s'enfuit. Si elle me regarde au contraire comme un mourant, j'obtiendrai d'elle qu'elle ne me quitte point. Elle désire trouver un moyen de rompre son exécrable mariage. Le hasard nous le présente. Les geôliers vont s'assembler, ils enfonceront la porte. Et voici une esclandre telle que peut-être le marquis de Crescenzi en sera effrayé et le mariage rompu. » Pendant l'instant de silence, occupé par ses réflexions, Fabrice sentit que déjà Clélia cherchait à se dégager de ses embrassements. « Je ne sens point encore de douleur, lui dit-il, mais bientôt, elles me renverseront à tes pieds. Aide-moi à mourir. » « Oh, mon unique ami, lui dit-elle, je mourrai avec toi. » Elle le serrait dans ses bras, comme par un mouvement convulsif. Elle était si belle, à demi vêtue, et dans cet état d'extrême passion, que Fabrice ne put résister à un mouvement presque involontaire. Aucune résistance ne fut opposée. Dans l'enthousiasme de passion et de générosité qui suit un bonheur extrême, il lui dit étourdiment, « Il ne faut pas qu'un indigne mensonge vienne souiller les premiers instants de notre bonheur. Sans ton courage, je ne serai plus qu'un cadavre où je me débattrai contre d'atroces douleurs. Mais j'allais commencer à dîner lorsque tu les entrais, et je n'ai point touché à ces plats. » Fabrice s'étendait sur ces images atroces pour conjurer l'indignation qu'il lisait déjà dans les yeux de Clélia. Elle le regarda quelques instants, combattue par deux sentiments violents et opposés, puis elle se jeta dans ses bras. On entendit un grand bruit dans le corridor. On ouvrait et on fermait avec violence les trois portes de fer qui menaient à la chambre de Fabrice. On parlait en criant. « Ah, si j'avais des armes !» s'écria Fabrice. « On me les a fait rendre pour me permettre d'entrer. Sans doute, ils viennent pour m'achever. Adieu, ma Clélia. Je bénis ma mort, puisqu'elle était l'occasion de mon bonheur. » Clélia l'embrassa et lui donna un petit poignard à manche d'ivoire dont la lame n'était guère plus longue que celle d'un canif. Ne te laisse pas tuer, lui dit-elle, et défends-toi jusqu'au dernier moment. Si mon oncle l'abbé entend le bruit, il a du courage et de la vertu, il te sauvera. Je vais leur parler. » En disant ces mots, elles se précipitèrent vers la porte. « Si tu n'es pas tué, » dit-elle avec exaltation, en tenant le verrou de la porte et tournant la tête de son côté, « laisse-toi mourir de faim plutôt que de toucher à quoi que ce soit. Porte ce pain toujours sur toi. » Le bruit approchait. Fabrice la saisit à bras-le-corps, prit sa place auprès de la porte et, ouvrant cette porte avec fureur, il se précipita sur l'escalier de bois de 6 marches. Il avait à la main le petit poignard à manche d'ivoire et fut sur le point d'en percer le gilet du général Fontana, aide de camp du prince, qui recula bien vite en s'écriant, tout effrayé, « Mais je viens vous sauver, monsieur Del Dongo !»